Bonjour, chers tipeurs. Nous sommes samedi. Samedi 11 novembre, un jour férié. Mais qu'importe, car c'est l'heure de votre revue de presse. J'y vais. Samedi, ô toi, mon beau samedi, samedi coquin, samedi mutin, samedi malin, quelle que soit votre vision du samedi, la revue de presse JV est là pour vous fournir les dernières news, priorité au direct, comme dirait cette chaîne intellectuelle qu'on appelle BFM TV. Et en parlant de priorité en direct, n'oubliez pas que le désert boss de l'espoir se déroule en ce moment, depuis hier d'ailleurs, jusqu'à dimanche soir. Il y a des invités absolument exceptionnels. Le désert boss de l'espoir, le marathon caritatif du jeu vidéo au profit de l'association Les Petits Princes pour offrir un Noël digne de ce nom à des enfants qui n'ont hélas pas la vie facile. Donc cela a commencé hier à midi et cela dure jusqu'à dimanche 19h, même 20h, je crois, peut-être même plus, en tout cas jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas, allez-y, donc des personnalités issues du monde du jeu vidéo, ou pas, d'ailleurs, forcément, se relaient devant un jeu complètement pourri, mais le but est de faire des happenings, d'offrir des cadeaux aux donateurs, de livrer des anecdotes croustillantes et de se marrer. Tout ça donc au profit de ces enfants qui ont besoin de nous. Donc n'hésitez pas, le Desert Boss de l'Espoir. Vous pouvez trouver le site officiel très facilement, desertboss.fr sur Internet. Quant à moi, eh ben, je vous le redis, bienvenue chers tipeurs pour cette édition du samedi. Eh ben, que dire de plus, si ce n'est qu'il est temps, grand temps, de commencer avec les premières news. Des mariages et des divorces, c'est aussi ça le monde du jeu vidéo. Alors qu'Electronic Arts s'est récemment séparé et a même fermé Visceral Games, donc ça on est revenu largement là-dessus ces derniers temps, figurez-vous que la grosse boîte rachète Respawn Entertainment. Respawn, c'est qui Respawn? Eh ben, c'est tout simplement le studio derrière Titanfall, un studio créé en 2010 par des anciens d'Infinity Ward. Et Game Cult, sous la plume de Jarrod, nous explique un petit peu tout ça. Il nous dit qu'après avoir publié Titanfall et Titanfall 2, IS est aussi le commanditaire de l'autre projet majeur en développement chez Respawn, à savoir un jeu d'action Star Wars dont on espère que le développement se déroulera mieux que celui de Visceral Games. Effectivement, on l'espère. Le fondateur de Respawn, Vince Zampella, nous dit « EA a été un grand partenaire qui nous soutient et n'interfère pas dans notre processus de développement ni dans la culture du studio. EA nous fournit davantage de ressources, de technologies et d'expertise qui peuvent nous aider à réaliser de meilleurs jeux et Respawn conservera la même liberté créative dont il a toujours bénéficié. » Alors ça, mon petit Vince, j'attends de voir. Hein, c'est, au début, c'est toujours magnifique. Je suis sûr que si on ressort les premières déclarations des pontes de studio Visceral Games, à mon avis, ça devait être un peu dans la même teneur. Alors d'après cet article sur GameCult, Vince Zampella précise que l'opération ne provoquera aucun licenciement ni changement majeur d'organisation et que tous les jeux actuellement en développement vont se poursuivre. Ce qui veut dire que le projet de FPS en développement pour l'Oculus Rift est toujours d'actualité, tout comme le jeu mobile Titanfall Assault, publié chez Nexon. Un peu plus loin, Jarrod conclut qu'un communiqué d'Electronic Arts confirme quand même qu'un troisième Titanfall est bien en développement, malgré la déception commerciale du second épisode. Pour savoir un petit peu les tenants et aboutissants et les gros chiffres qui nimbent cette transaction, ce transfert, ce rachat, eh ben je vous invite fortement d'aller lire cet article titré « Electronic Arts achète Respawn Entertainment ». C'est sur GameCult et il ne reste plus qu'à poser vos yeux dessus. Tenez, ça faisait longtemps que je n'avais pas cité un article de Gameblog. L'occasion pour moi de parler de ce papier titré « Près de 50 millions de Nintendo Switch pourraient être distribués d'ici avril 19 » et c'est Romain Mahut qui nous en parle donc sur Gameblog et qui nous dit « Face au succès grandissant de sa Switch, Nintendo se voit dans l'obligation d'augmenter régulièrement les quantités de consoles produites chaque mois. D'après de nouveaux bruits de couloir, les entendez-vous ces bruits de couloir ? Le constructeur Nippon devrait sensiblement augmenter le nombre de consoles mises sur le marché l'année prochaine. » Citant des sources ayant une connaissance directe du sujet, le site du journal américain The Wall Street Journal affirme que Nintendo va considérablement augmenter ses capacités de production. Selon ce dernier, Nintendo compte produire entre 25 et 30 millions d'exemplaires de sa dernière console au cours de la prochaine année fiscale. Donc, cette année fiscale, pour précision, elle se situe entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Romain nous dit que si Nintendo parvient à distribuer 17 millions de Switch avant la fin de l'année fiscale en cours, donc celle-ci se terminera le 31 mars 2018, cela signifie que le géant japonais pourrait, dans le meilleur des cas, atteindre les 47 millions de consoles distribuées au 1er avril 2019. Et je vous laisse lire la suite de cet article sur gameblog.fr. Écoutez, la Switch n'en finit pas de s'envoler. Je ne sais pas où elle va s'arrêter, mais bon, en tout cas, la santé de la console fait plaisir à voir. Si Nintendo continue à enchaîner les gros jeux comme ça dessus, vu qu'apparemment ils ont une politique d'un gros jeu par mois, plus toute la scène indé qui a bien pris quand même d'assaut la console, et aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une petite résurrection du jeu AA sur cette console-là ? En tout cas, nous sommes contents pour Nintendo, qui ne doit pas s'arrêter de sabrer les bouteilles de champagne à tire-larigot. Et donc on verra bien à la fin de l'année où en sont les chiffres, parce que je pense vraiment que le Noël qui arrive va être grandiose pour Nintendo. Succès de la Switch toujours. Écoutez-moi ça les jeunes, Capcom prépare plusieurs jeux pour la Nintendo Switch, dont un Ace Attorney, comprenez par là un Phoenix Wright, le fameux jeu de procès de Capcom. C'est JV.com qui nous dit ça via la plume veloutée et svelte de Dafranz, qui est un pseudo d'ailleurs assez particulier. Je ne dirais pas qu'il est inélégant, non, je ne dirais pas ça, mais enfin, c'est quand même particulier. Bref, et ce dernier, dans sa grande bonté universelle, nous dit « C'est auprès du site japonais gg.com » que, alors c'est pas Gigi Lamoroso, hein, c'est Gigi.com, que le directeur des opérations de Capcom s'est exprimé, évoquant notamment la dernière année de Nintendo. Convaincu par la machine, vous avez vu, je mets un petit peu de dramaturgie hein, dans le texte pour que ça prenne quand même un peu plus d'épaisseur, un peu plus de relief, vous voyez. Alors je continue. Hein. Donc l'homme déclare que plusieurs titres pour celle-ci sont actuellement en développement chez Capcom, précisant qu'un nouveau Ace Attorney fait partie de cette sélection. Cette dernière est par ailleurs prévue pour sortir durant la prochaine année fiscale, soit avril 2018. Sur Switch, continue de nous dire le directeur des opérations de chez Capcom, nous avons déjà entrepris le développement de plusieurs jeux issus de licences populaires que nous vendrons au niveau national et international, dont Ace Attorney d'ailleurs. Donc Capcom, comme beaucoup d'autres, comme Bandai Namco, etc. Bandai Namco d'ailleurs, dont on avait parlé très récemment dans cette émission, eh ben, j'ai l'impression que, à l'image hein, des trois quarts des observateurs que nous sommes, on est tous surpris par ce succès incroyable de la Switch, ravis, mais surpris. Et nous ne sommes pas les seuls, donc énormément d'acteurs, et ce qui fait plaisir, beaucoup d'acteurs japonais multiplient les projets sur la dernière console de Nintendo, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Surtout qu'un Ace Attorney, qui est quand même Phoenix Wright, donc, qui est quand même un jeu portable à la base, hein, GBA, DS, 3DS, et sur plateforme, enfin, et sur device mobile même récemment, sur téléphone portable, se prête bien à la portabilité, et en même temps, grâce à la Switch, si on veut en profiter sur son écran de télévision, dans le salon par exemple, de manière familiale, pour que tout le monde participe au process, ça peut être quelque chose de vraiment de top si le jeu, le scénario est à la hauteur, si on retrouve les mêmes cadors à l'écriture et à la réalisation, ce serait exceptionnel. Et quand le directeur des opérations de Capcom, si vous avez bien entendu, parle aussi d'autres licences populaires, dit-il, de chez Capcom qui vont arriver sur Switch. Fatalement, on pense à Resident Evil, on pense à plein de choses comme ça. Ça fait envie, ça fait envie. Je dois vous avouer et le reconnaître bien aisément que le Nintendo sexuel que je suis, doublé du fan de l'histoire de Capcom, cette annonce remplit mon cœur de joie. Et ça, eh ben écoutez, c'est beau. Petit point Xbox One X aux États-Unis. L'enseigne GameStop, alors GameStop aux États-Unis, si vous voulez, c'est un peu comme Micromania chez nous, c'est même encore plus gros, enfin c'est vraiment le revendeur numéro 1 spécialisé dans le jeu vidéo, aurait déclaré, alors attention parce que c'est quand même assez rigolo, je cite, hein, donc le responsable de GameStop hein, nous dit « Les ventes de la nouvelle Xbox One X ont été incroyables. Nous avons vendu une énorme partie de notre stock initial en seulement une journée. Nous sommes déjà entrés en contact avec Microsoft pour obtenir plus d'exemplaires de la console la plus puissante du monde. » Bon, hein, je crois qu'il y a derrière hein, comme un discours un petit peu exagéré. Le vocabulaire utilisé est un petit peu, je crois, too much. Hein. Bon, on n'a pas les chiffres dans le détail, donc tant mieux hein, si la console cartonne, mais enfin là, quand même, le vocabulaire me paraît un petit peu trop dithyrambique. On sent que l'alliance entre Microsoft et GameStop a été très, très bien scellée, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, moi, à part ça, j'ai pas l'impression quand même que la console suscite un engouement terrible. Alors, c'est vrai qu'on voit ça de nous, notre côté de français. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a une effervescence qui se crée, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait une grosse folie autour de cette console, qui, ça, tout le monde s'accorde à le dire, il n'y a aucun problème, qui est un monstre de puissance. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, les avantages, les offres en jeu, bon, c'est pas extraordinaire, surtout que si on regarde les comparatifs sur certaines chaînes YouTube, oui, l'apport est vraiment conséquent pour l'instant sur certains titres, mais à quel prix, avec des mises à jour, mais qui pèsent je ne sais pas combien de gigas, à tel point que le disque dur s'en retrouve très très vite saturé. Mais enfin, écoutez, GameStop est content, donc on va être heureux pour lui, hein. Le bonheur de mon prochain fait mon bonheur quelque part. Vous voyez, c'est un peu ma vision de la vie. Je ne suis qu'amour, vous le savez. Allez hop, soyons un peu foufou. Une petite brochette de news, rien que pour vous. Siberia, gratuit sur GOG.com jusqu'au 11 novembre. Alors, il ne vous aura pas échappé que le 11 novembre, c'est aujourd'hui. Donc vous avez encore toute la journée pour récupérer le jeu. Dépêchez-vous. Et d'ailleurs, je tenais à remercier Mopral, un de mes chers tipeurs, de m'avoir rencardé sur cette info. Et donc pour fêter comme il se doit la sortie de Siberia 3 The Complete Journey, une édition comprenant la bande originale composée par Inon Zur et du contenu supplémentaire avec une histoire autour de l'automate Oscar, GOG.com offre effectivement gratuitement le tout premier épisode de la saga Siberia. Alors habituellement, ce point and click hein, célèbre de Benoît Sokal est vendu à 8,49€ et même carrément 29,99€ pour la version Switch. L'occasion donc de retrouver la toute première aventure de Kate Walker, située dans un petit village des Alpes françaises. J'aimerais enchaîner avec deux autres news signées Pouillot, Saint Pouillot de Gamekult, qui nous dit « On comprendrait presque les soucis de maintenance qui ont émaillé son lancement. En l'espace de 5 jours, l'appli Dragon Quest Rivals totalise déjà 7 millions de téléchargements rien qu'au Japon. » Ce qui est en fait à coup sûr la nouvelle poule aux œufs d'or de Square Enix, surtout quand on voit son classement en tête des applis les plus rentables, le moteur de tout bon free-to-play qui se respecte. Malheureusement, l'éditeur japonais n'a toujours pas précisé ses plans pour localiser son clone de Hearthstone ailleurs qu'en Asie. Donc, comme le dit Pouillot, c'est un clone d'Hearthstone dans l'univers de Dragon Quest. Dragon Quest Rivals était très attendu par les fans hardcore de Drakué. Drakué, hein, pour les intimes. Pour ceux qui savent, je serais étonné quand même qu'il n'arrive pas à un moment donné en Occident. Enfin bon. Et donc, Pouillot nous dit aussi, concernant un jeu très attendu et qui, celui-ci, sortira vraiment chez nous, il nous dit à chaque gros jeu de combat, son gros stick arcade et le très attendu Dragon Ball FighterZ n'y fera pas exception. Cette version revisitée du célèbre Hayabusa par Ori accompagnera la sortie japonaise du jeu le 1er février prochain, uniquement prévu sur PS4 pour le moment. Ce périphérique de 2,9 kg, également compatible Windows, sera vendu au tarif de 18 980 yens, soit 143€, et sans doute un peu plus après la conversion au tarif import. Donc, ceux qui attendent Dragon Ball FighterZ ou Dragon Ball FighterZ, hein, comme disent certains, moi ça y est, hein, j'ai choisi mon camp. Vous qui êtes des fidèles de la revue de presse JV, je me tâtais entre Dragon Ball FighterZ ou Dragon Ball FighterZ, mais bon. Comme je le disais, il n'y a pas si longtemps, après avoir vu des trailers japonais, c'est bien Dragon Ball FighterZ. Donc, si vous voulez accompagner vos parties, vos bagarres avec Sangoku, Sangohan, Cell et toute la fine équipe, avec un bon gros stick des familles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est ainsi que se termine cette édition du samedi, mes chers tipeurs. Merci encore de votre soutien qui m'est très cher. Encore merci à Cinédif, Valentin, Forza Pedro, JP Madère, Remix 92, Somaz, Graou 91, Emmanuel, Karl, AHL9, Pizza Hunter, Lina Nounette, Machin Truc 76, Monsieur A, MacBN, Francois Mopral, Fabien, Mike et le dernier arrivé, HXC. Merci énormément à toi pour ton don hyper généreux et ton message qui me vont droit au cœur. Merci à tous pour vos dons qui vraiment m'encouragent d'autant plus à améliorer l'émission et me donnent une patate d'enfer. Vous êtes formidables. Je rappelle, enfin vous le savez, que l'émission de la semaine est disponible sur iTunes, Podcloud, Deezer, YouTube, enfin tout ça, vous le savez. Vous, les tipeurs, 3 étoiles que vous êtes, c'est important, vraiment. Alors même si cet épisode n'est pas sur flux habituel, je compte sur vous. Si ça se trouve, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Mais si certains d'entre vous, chers tipeurs, ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, des petits commentaires, c'est super important. Ce qui serait aussi super sympa de votre part, ce serait de donner vos impressions de cette édition du samedi sur les réseaux sociaux, en venant me causer, sur @revue de presse, j'y vais tout coller, vous connaissez l'adresse, ou sur Facebook, pour prouver d'autant plus que je moque pas de vous, quoi. L'édition du samedi est une édition aussi soignée que le reste de la semaine, peut-être qu'il me donne encore plus la pression, puisque je ne veux pas vous décevoir. N'hésitez pas à propager la bonne parole. Sur ce, je vous dis à lundi. Pour une nouvelle semaine de Revue de Presse JV, passez un bon week-end, bon courage pour ceux qui bossent, reposez-vous bien pour ceux qui sont en repos, et que dire de plus, si ce n'est à lundi ! Allez, bye bye tout le monde !